Avec Mexicain, Siska et Kissima. À sa bang, son neuf record, on est là. Remballe ton scénario, on fait pas de cinéma. Ici, c'est 110 boys, paye à peu. La pote à peu. PAP, Fausse Squad! Fausse Squad! Fausse Squad!